Galaxy. Don't stop. Music. Don't you play me like Nintendo? Alexander Robotnik, un instant avec le titre Nintendo que vous pouvez retrouver sous le label Open Bar Music. Voici tout de suite quelque chose d'un peu plus festive. On retrouve tout de suite sur les platines de Galaxy Nicolas Fasano avec 75 Brésil. Vous écoutez Galaxy, c'est parti after Pascal Mancini pour vous accompagner jusqu'à midi. Save the Rhythm. Save the Rhythm. Festive sur les ondes intergalactiques. Un instant avec le subliminal Mastic Soul avec Jacobino. On poursuit tout de suite avec Martin Solveig avec C'est la vie. so you have to practice. Never let yourself go. What are you prepping? It's nothing new. People are watching by the shape of the new. C'est la superbe vie. Juste avant de retrouver Stéphane Laroche pour les informations de proximité, voici tout de suite un son qui devrait très très bien marcher dans les semaines à venir. C'est l'Ange avec Soundless. We'll be right back. trying to say it's getting tougher to get so close. And now I'm out of time to let you know I'm songless. À l'instant, c'était Ange avec le titre Stangele. Vous pourrez retrouver ce disque sous le label Maelstrom. Ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Ne manquez pas l'exposition de peinture baptisée Scènes en Flandre par l'artiste Thérèse Sénavenu, à découvrir jusqu'au 24 février au Musée des Arts et Traditions Populaires situé rue François Mériot à Waterloo. Entrée libre, renseignements 0320 80 59 50. La Cellule sera jouée ce samedi 16 février 20h au foyer culturel de Péruvé en Belgique. Théâtre fiction avec la pièce La Cellule, donc, par la compagnie Sens Ascensionnel à l'occasion de la semaine de l'altermondialisme. C'est gratuit jusqu'à 12 ans. Les réservations 00 32 69 45 42 48 ou centre.culturel.p@skynet.be. La date de clôture pour les inscriptions de formation à l'école d'infirmières est fixée au mercredi 27 février. Prochain mercredi d'information de l'Institut de soins infirmiers de Tourcoing, le mercredi 20 février entre 14 et 16 heures. Renseignements 03 20 25 34 03. Les Vice Squad d'Angleterre en concert mercredi 20 février 20h30 à la boîte à musique de Waterloo. Une soirée punk rock survitaminée avec également le groupe BAM en première partie. Billetterie 03 20 75 85 86. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com, rubrique Info Régionale Galaxy. Galaxy. Always, always, always. Et on part tout de suite en musique avec Antoine Clamaran, l'un des derniers, c'est Pereira de It's Crazy. days. Happy days. Galaxy. Happy days on Galaxy. Merci d'écouter Galaxy sur le 95.30. Un instant, c'était Alex Center avec le titre Utica. Juste avant de vous annoncer King Unique avec le titre Identity. Un petit tour du côté des clubs pour ce dimanche 17 février. Deux clubs sont ouverts. Alessep Concept pour la soirée Melting Pot avec les résidents habituels Dave, Kevin et Luc. Sans oublier aussi aux zoo pour la fameuse soirée e-fiesta aux commandes Thomas et Ced. We'll be right back. caliente. Te gusta a mi gente. El ritmo caliente. Te gusta a mi gente. Music for happy people. Happy people. Happy people. get back together. Un autre grand standard revisite un instant avec Big World, il est 11h. A matter of fact. These Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. You're a freak. Bienvenue dans l'univers de la musique électronique. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, de vous écouter. Party After, on est ensemble jusqu'à midi. Encore de la belle musique. Voici tout de suite Spit avec le titre Falling.

l'instant, c'était Freemason, un disque que vous pouvez à peine découvrir à l'heure actuelle sur la compilation Serious Beat Volume 1, justement cette compilation qui vient juste de sortir. Ne bougez pas, on va se retrouver d'ici quelques petites minutes. Voici tout de suite Stéphane Laroche pour les informations de proximité. Théâtre La Compagnie jouera la pièce de Victor Haïm, Jeu de scène, les jeudis 21 et vendredi 22 février 20h30 au centre socio-éducatif de Waterloo. Réservation sans plus attendre, 0320 99 91 19 ou plus d'infos, contact@théâtre.com. Yuka Subs en concert, samedi 23 février 20h30 à la boîte à musique de Waterloo. Yuka Subs, créé en 1976 à Londres, arpente depuis toutes les scènes européennes avec une énergie jamais démentie. Réservation sans plus attendre, office de tourisme, 0320 75 85 86. 10e exposition de maquettes et modélisme, les 23 et 24 février, à la salle du dojo de Villeneuve-d'Ascq. Camions et transports, trains, bateaux, avions, etc. Bref, pour les passionnés, c'est à ne pas manquer. Ouverture sans interruption, de 10 à 18 heures, entrée à titre indicatif, 2,50€. Pour vous tous, Souris Valentine, théâtre jeune public, vendredi 29 février, 18h30, centre socio-éducatif, Waterloo. Une pièce jouée par Pauline Tour Rubia du théâtre Papyrus, à voir dès 4 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans, réservation 0320 75 85 86. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com en cliquant sur Info Régionale Galaxy. Galaxy. Always, always, always. Merci Stéphane, qu'on retrouvera bien sûr pour les matinales, accompagné de Willy. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble, tout à l'heure aux alentours de midi. C'est ADN aujourd'hui que vous retrouverez pour une session Electro House, suivie de Michael H pour sa célèbre série Trans. On aime, on adore, suivie de Sly Arnaud, Byron Wesley suivront, ainsi que Mandré aux alentours de 20h. Et sans oublier aussi l'ami Guillaume de Baskerville, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Une heure pour se détendre. Et ce soir, ça sera la 195e session, 195e numéro justement de Prélude. Excusez-moi, on le salue au passage, notre ami Guillaume de Baskerville. Et juste après, aux alentours de 23h, c'est Sick pour la session Hardcore. Excellent, excellent. À l'instant, c'était Antix avec le titre Blues sous le label Iboka Record. On va descendre un petit peu les années. 4 années pour être un peu plus précis. À cette époque, Maja Banguette sortait un titre Wall et on va se le réécouter tout de suite. Radio Galaxy. You're making me whole.

Forget me. Do not look for me, for I shall already have forgotten you. If you think it long and mad, the wind of banners that passes through my life, and you decide to leave me at the shore of the harbor I have reached, remember that on that day, at that hour, I shall lift my arms, and my roots will set off to seek another land. Avant-première, le nouvel album de Madonna qui est prévu prochainement et c'est déjà sur Galaxy. nous reste quelques petites minutes à passer ensemble. Je vous remercie d'avance de votre grande fidélité. Encore pas mal de choses pour cet après-midi. Il y aura aussi, juste après, il vient d'arriver dans les studios en pleine forme, ADN pour les sections Electro House. Mais voici tout de suite un titre diffusé qu'on vous a fait découvrir avant tout le monde, bien sûr. C'est Jürgen Pap avec le titre We Love. On va y arriver. Thank you. attaché de bien le dire, à l'instant c'était Jürgen Pap avec le titre We Love. Je vous souhaite bien sûr une excellente après-midi à l'écoute de Galaxy. Le voici, le voilà, voici tout de suite ADN sur les ondes intergalactiques. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous souhaite bien sûr de passer un excellent moment à l'écoute de Galaxy.